Section 78 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 78. Les amours de Gilles. Livre 3e. Gilles, par Louis Morin. Chapitre 3. Fiançailles. Un jour, il changea tout à coup de conduite, comme touché par la grâce. Il était amoureux. Et de qui amoureux? De la petite Paquette. C'était venu tout doucement, sans doute, depuis près d'un an qu'il vivait auprès d'elle. Mais il ne s'en était point aperçu. Paquette était une très mince personne au théâtre. Nul ne faisait attention à elle. Elle jouait uniformément, sans coup de talent imprévu. Elle était très sage, plus sage qu'aucune comédienne de son âge. Elle avait 17 ans. Mais l'idée ne serait venue à personne que Mademoiselle Paquette pût être autrement que très sage. Elle passait pour un peu sotte auprès de ses camarades, parce qu'on était obligé de lui écrire les rôles difficiles et qu'elle les apprenait comme une leçon, studieusement. Peut-être était-elle sotte, en effet, mais elle était surtout naïve, d'une naïveté douce qui avait toujours l'air d'implorer l'aide des gens, de leur dire « Vous voyez bien que je ne sais pas, que je ne peux pas, aidez-moi !» Et sa personne était toute pareille à son caractère. Elle avait une petite tête initiale, au contour faiblement indiqué, qui rappelait à Gilles le type que les premiers sculpteurs toscans aimaient à donner aux anges, aux enfants, aux vierges, à tous ceux de leurs personnages qui devaient exprimer la grâce, la pureté. Gilles se rappelait des têtes de ce joli sentiment dans les œuvres de Donatello et de Matteo Civitali, qu'il avait vues à Florence ou à Lucques. Paquette était petite, mais justement proportionnée. Sa taille un peu longue et sa poitrine peu accusée avaient une gracilité jeune et virginale que ne démentaient point les rondeurs peu ressorties de ses hanches, tout juste assez larges pour faire ballonner coquettement la jupe de Colombine. Elle avait gardé des mouvements de petite fille, d'une vivacité câline et des minauderies qui convenaient à ce corps fragile, jeune, presque enfantin. Elle était si bonne, si aimable, si indulgente que tout le monde l'adorait. Surtout le vieux Pulcinelle qui la regardait comme sa fille. C'était à la fin du carnaval. Il y avait grande fête sur la place Saint-Marc. Au milieu de la journée, Gilles entra au théâtre pour quelque affaire. Il croyait n'y trouver personne. À son grand étonnement, il aperçut assise dans un coin de la coulisse la petite Paquette qui pleurait, son rôle manuscrit sur les genoux. « Paquette, est-ce toi? Que fais-tu là et pourquoi pleures-tu? Je te croyais à la fête. »« Ah, mon bon Gilles, j'ai bien de la peine, si tu savais. »« Qu'est-ce qu'il y a, ma mignonne? Qui t'a fait du chagrin? » ?»« Ah, Gilles, ma mère veut me marier. » « Te marier, toi, Paquette ?» Gilles avait-il mis dans cette exclamation sans s'en apercevoir une expression chagrine ? Toujours est-il qu'elle lui sauta au cou et se serra contre lui de toute sa force. « N'est-ce pas, Gilles, ça te ferait du chagrin ?»« Oh, j'en étais sûre, je t'en prie, empêche qu'on ne me marie. Il est laid, je le déteste. » C'est un marchand, Gilles, un vilain marchand de la Merceria qui m'a vu jouer au théâtre et qui s'est mis en tête de m'avoir, et maman qui est de son parti. Elle dit qu'il est riche, qu'une fille de théâtre, ça ne trouve jamais à se marier, que je ne peux pas refuser une occasion comme ça, je ne sais quoi. Mon bon ami Gilles, ça ne se fera pas, n'est-ce pas? J'irai plutôt me jeter dans le canal. Aujourd'hui, ma mère a voulu me mener à la fête. J'ai refusé. Je savais bien que je le rencontrerais, ce marchand, et qu'il me dirait ces bêtes de compliments en faisant de gros yeux. Je suis venue me cacher ici. Oh, je n'espérais pas que tu viendrais. Mais c'est le bon Dieu qui t'a envoyé. Tu vas me dire ce qu'il faut faire pour qu'on ne me marie pas. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu sais bien que je fais tout ce que tu veux, Gilles. Il n'y a que toi qui existes pour moi. Oui, depuis bien longtemps. Tu sais, quand tu es venu avec nous pour être avec Séraphine, eh bien, tout de suite que je t'ai vu, je t'ai adoré. Je n'ai plus pensé qu'à toi. Quand tu as été malade, oh, j'ai été bien malheureuse. Je serais morte si tu étais mort. Puis après, le bon temps a commencé. Comme je suis heureuse depuis que je joue avec toi. Je ne te l'avais pas dit parce que j'avais peur que ça t'ennuie, que tu ne veuilles pas qu'une petite fille comme moi t'aime. Mais je suis trop malheureuse maintenant qu'on veut me marier. Il a fallu que je te dise ça tout de suite et il m'a semblé que ça t'attristait. Oh Gilles, m'aimes-tu un peu, dis, m'aimes-tu assez pour ne pas vouloir qu'on me marie à un autre ? Elle éclata en sanglots, le serrant convulsivement dans ses bras. Gilles était resté tout surpris, surpris de ce qu'elle lui disait, surpris de ce qu'il sentait en lui-même. C'était vrai pourtant, l'amour de cette petite. Il l'avait senti du premier jour, du jour où cette pensée que quelqu'un avait de l'amitié pour lui avait un peu consolé son cœur déchiré par l'abandon de Séraphine. Il avait pris cela pour une affection fraternelle, pour une amitié de jeunesse. Maintenant, il voyait mieux, il se rendait compte, il se remémorait toutes les manifestations de cet amour timide et caché, les adorations du regard, les tendresses de la voix, les ardeurs du baiser de théâtre. Et en même temps, songeant au peu de joie que lui donnait sa folle vie de débauche, il lui apparut tout à coup que le bonheur était là, dans ses bras, et qu'il n'avait qu'à les fermer. « Paquette, ma petite Paquette, console-toi, je t'aime. »« Gilles, ah, que je suis heureuse, prends-moi vite, emporte-moi, je serai tout ce que tu voudras, ta maîtresse ou ta servante. »« Non, Paquette, tu seras ma femme. » Il dit cela d'une voix grave, qu'il n'avait jamais eue, et, serrant la fillette sur son cœur, il lui donna sur les lèvres un long et chaste baiser. Le baiser des fiançailles. Et ce fut ainsi que Gilles et la Colombine de maître Cornelio se promirent l'un à l'autre. Fin de la section 78, Luparagnès Hobby 2024.